Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le gouvernement du Burundi ira bel et bien à Arusha pour les négociations prévues le 21 mai prochain et la priorité sera donnée au retour à la paix et la sécurité, nous dira Willy Nyamitwe, il est conseiller principal en communication à la présidence de la République. Des conflits fonciers ont fait 5 victimes en moins de 2 semaines en commune Bouillé dans la province de Mouranvia. Ce mardi, un garçon a tué son père et sa marâtre, vous l'entendrez. Le bureau provincial de santé à Karusi vient de fermer 4 pharmacies qui fonctionnaient sur des autorisations fraudées. Alors que l'hôpital de Kibumbu fait face à la recrudescence du paludisme, plus de 200 patients ont été admis pour hospitalisation en l'espace de 2 semaines. Nous appellerons nos correspondants. Et les Burundais refoulés du Rwanda augmentent en commune une de la province Kirundo. Il se compte à plus de 1000 personnes. Nous serons en ligne avec l'envoyé spécial de la rédaction, Évariste Nzikobanyanga. Un climat tendu entre élèves, enseignants et parents à l'école fondamentale de Chimbizi en commune et province Mubanza et à l'origine, un soulèvement de parents contre un enseignant ayant infligé une punition à un élève, nous dira notre correspondante Space Caritas Kabanyana. Voilà pour le sommaire de ce jour. La radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, le gouvernement burundais va bel et bien participer au dialogue qui se tient ce 21 mai courant à Arusha en Tanzanie. Cette annonce est celle du conseiller principal en communication à la présidence de la République. Willy Nyamitwe indique que la priorité du gouvernement dans ce dialogue sera le retour à la paix dans ce pays. On l'écoute. Il est au téléphone avec Joseph Sabiyamandi. Le gouvernement ne peut pas promouvoir le dialogue et en même temps s'absenter quand les Burundais se réunissent autour d'une table de dialogue. Donc le gouvernement du Burundi sera représenté à Arusha parce que la session prochaine, c'est une suite logique de ce qui se passe dans le dialogue inter-burundais à l'intérieur du pays. Comme le gouvernement a toujours promis que les Burundais de l'intérieur et de l'extérieur de la diaspora devront tous être consultés afin qu'ils apportent une pierre à l'édifice. Donc le gouvernement ne jouera pas les absents, il sera présent afin que ce dialogue puisse réellement se poursuivre et apporter une pierre angulaire à l'édifice qui est la paix et la sécurité dans le pays. Le dialogue à l'étranger recommence après une année de crise au Burundi. Quelles seront les priorités du gouvernement dans ce dialogue? La priorité du gouvernement, pas dans le dialogue futur, mais ça a toujours été la priorité du gouvernement, c'est la paix et la sécurité dans le pays, mais également asseoir un développement durable dans le pays, en passant par la lutte contre la pauvreté. Asseoir la paix dans le pays, quelle sera la responsabilité du gouvernement? Mais le gouvernement, c'est le premier garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Il joue pleinement son rôle. Vous avez suivi le désarmement de la population qui détient des armes illégalement et la sécurisation des frontières et de toute la nation. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement est à pied d'œuvre et continue à sensibiliser la population afin que cette population apporte aussi sa contribution dans le maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays. Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication à la présidence de la République. Vous l'avez suivi sur nos antennes, des Burundais qui séjournaient au Rwanda sont refoulés. Ils augmentent surtout dans les provinces du nord du pays. Et en commune Nenega surtout, où notre envoyé spécial Évariste Nzikobanyanga se trouve déjà. Évariste, bonjour, vous êtes en ligne. Il se compte à plus de 1000 personnes. Oui, justement, Bosco s'est refoulé à partir du Rwanda. Sont comptés à 1116 Burundais ressortissants de la commune Nenga. Ah oui, Évariste, alors ils sont dans quel état? Ils sont dans une situation humanitaire très déplorable, comme on l'a vu. Depuis qu'ils sont arrivés à Nenga, ils sont logés dans des maisons des anciens voisins. Ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de couverture, ils demandent une assistance humanitaire d'urgence. Comme on l'a vu, ils sont vraiment affamés. On ne saurait pas comment le dire. Est-ce que vous avez approché certains administratifs à la base ou au niveau de la province pour leur demander ce qu'ils sont en train de faire pour ces Burundais? Oui, justement, on a fait une descente en Nenga, au chef-lieu de la commune, où nous avons rencontré les autorités communales. le conseiller technique chargé des finances et du développement communal à Nega, nous a indiqué qu'ils sont en train de toquer sur le porte des bienfaiteurs afin qu'ils viennent en aide à cette population en détresse. Ce qu'on a constaté et que le ministère de la Solidarité a déjà envoyé quelques kilos de haricots et de riz pour venir en aide à ces reflux. Merci Évariste Nzikobanyanga pour toutes ces informations. Et l'hôpital de Kibumbu en province de Ngaro héberge ces jours-ci beaucoup de patients souffrant du paludisme. Plus de 200 patients ont été hospitalisés au cours de ces deux premières semaines courant. Le directeur de la province sanitaire de Ngaro demande à toute personne présentant des signes de cette maladie de se confier dans les meilleurs délais aux structures sanitaires proches pour éviter des complications de cette maladie. Laurent Dikourio. Selon les données fournies par la province sanitaire de Ngaro, l'effectif des patients hospitalisés à l'hôpital de Kibumbu suite à la malaria a varié depuis le début de cette année. Le médecin directeur de la province sanitaire de Ngaro dit que beaucoup de cas de patients souffrant de la malaria se sont remarqués à cet hôpital en avril dernier où 519 personnes y ont été hospitalisées. Au cours des deux premières semaines du mois de mai en cours, l'hôpital de Kibumbu a hébergé 211 patients souffrant de la malaria. Le médecin directeur de la province sanitaire de Ngaro dit que la capacité d'accueil à l'hôpital de Kibumbu est dépassée surtout au service de la pédiatrie. Il dit que les autorités de cet hôpital ont dû changer la salle de pédiatrie et utilisent aujourd'hui une salle plus vaste qui servait de stock de certains matériels. Les lits étant insuffisants, 19 lits ont été empruntés à l'hôpital sanatorium de Kibumbu pour s'ajouter à 30 lits qui s'y trouvaient. Aussi, de nouveaux matériels ont été achetés, mais restent toujours insuffisants car deux enfants partagent le lit à cet hôpital suite à la malaria. Nicolas Nitunga, médecin provincial à Ngaro, dit que ces effectifs élevés viennent du fait que cet hôpital est un hôpital de référence de cette province. Il reçoit les patients en provenance de trois communes, à savoir Nyabihanga, Bisoro et Kayokwe, situées dans la partie Kilimiro de cette province, où se remarque plus la présence de la malaria. Aussi, cet hôpital accueille les patients en provenance de la commune de Nyarusange, en province de Gitega. Des cas de décès ont été enregistrés suite au retard pour arriver au centre de santé avant d'être transférés à cet hôpital. Pour lui, toute personne ayant des signes de cette maladie doit se faire soigner le plus rapidement possible car les médicaments sont disponibles. La population de cette province est également invitée à adopter des mesures préventives contre cette maladie et le bon usage des moustiquaires. Tomorrow, Laurent Dikourio, Radio Sanganiro. Merci Laurent, santé toujours. Quatre pharmacies privées viennent d'être fermées par les responsables du bureau provincial de santé à Karoussi. Ils indiquent que ces pharmacies fonctionnaient à l'aide de papiers fraudés et signalent que les travaux d'inspection continuent dans les pharmacies qui se trouvent dans toute la province. Blaise Pascal Kararoumi. Ces pharmacies privées de vente de médicaments viennent de fermer les portes sur la décision du médecin provincial de Karoussi. Il indique que ces pharmacies avaient commencé à fonctionner alors qu'il n'avait même pas fait objet de l'inspection préalable du bureau provincial de la santé. Les responsables de la province sanitaire affirment que ces pharmacies fonctionnaient à l'aide des papiers fraudés. Les responsables de ces pharmacies brandissaient des papiers d'autorisation d'ouverture, des papiers qui sont sans trace au niveau du ministère de la Santé après la vérification, comme l'indique le responsable de la promotion de santé de la province. Il fait savoir que le bureau provincial de la santé a été inquiété par la multiplication des pharmacies dans les différents coins de la province et que de là, ils sont déjà à l'œuvre pour vérifier si toutes les nouvelles maisons de pharmacie opèrent actuellement dans le respect de la loi. Signalant que la province sanitaire compte actuellement une vingtaine de pharmacies privées, le promoteur provincial de santé a indiqué qu'une dizaine d'entre elles datent d'une année seulement. Signalant que deux autres pharmacies privées avaient été fermées par la décision du ministre de la Santé, l'une est dans la commune Vuhiga et l'autre dans la commune Nyavikere, accusée de vente de médicaments permis et travaillant aussi avec un personnel non formé. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons maintenant justice populaire. Cinq personnes sont mortes en moins de deux semaines en commune Mbouye de la province Mouramvia. Ces personnes sont victimes des conflits fonciers pour la plupart. L'administrateur de la commune Mbouye, Jean-Berkman Sevziokousengue, demande à la population de faire recours à la justice chaque fois que de tels conflits naissent dans des familles. Le point avec Marie-Ange Nzeima. Parmi ces crimes commis ces derniers jours en commune Mbouye, sur les collines Maté, Biguana et Bourangouré, sont liés à des conflits fonciers et à d'autres biens de la famille, comme le précise l'administrateur Vioukou Sengé Jean-Berkemans. Ce mardi, un fils a tué son père et sa marâtre, qui était en train de labourer un champ qui faisait l'objet de conflits entre lui et son père sur la colline Maté. Mardi, un jeune homme a tué son père et sa marâtre suite au conflit foncier. Son père ne voulait pas le reconnaître. Leurs conflits sont traités en ce moment au niveau du tribunal. Il les a rencontrés dans les marais en train de travailler et il les a tués à l'aide de leurs roues, puis sont morts sur le champ. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai demandé à ceux qui étaient là-bas d'éviter de se faire justice et faire recours aux instances habilitées. Un autre cas d'assassinat avait eu lieu sur la colline Biguana de cette même commune où un mari avait tué sa femme. Cette dernière avait refusé d'accorder à son mari l'autorisation de vendre une propriété foncière familiale. C'était sur la colline Biguana. Sur la colline Biguana, un cas similaire a été signalé. Un homme a étranglé sa femme parce qu'elle lui refusait de vendre une portion de terre pour acheter une moto. Sa femme lui disait qu'il fallait qu'il garde des terres cultivables pour leur progéniture. L'homme l'a étranglée pendant la nuit quand elle dormait. Il n'y avait pas deux semaines également, un homme avait tué sa femme et s'est lui aussi suicidé sur la colline Bouhangoula. Son dernier accusait sa femme de commettre l'adultère. Il y a un autre qui a tué sa femme. Il l'accusait de commettre de l'adultère avec son bon frère, c'est-à-dire le frère de son mari. Cet homme la mettait en garde, mais en vain. Après plusieurs séances de conseil sans succès, il a avoué qu'un jour, il va l'éliminer pour ne plus la voir. L'administrateur indique que ces hommes qui ont commis ces forfaits sont aux mains de la justice, mais demande à tous les habitants de la commune Mbouye de faire recours à la justice chaque fois que de tels conflits naissent dans les familles. Marie-Ange Nzeimana en direct dans ce journal. Les 6 personnes sont au cachot de la police en zone urbaine de Moussaga suite à une rafle opérée le matin de ce mercredi. C'est à la première avenue, d'après l'administration locale. Certains habitants de cette avenue indiquent que ceux qui avaient été arrêtés par la police étaient nombreux et qu'ils étaient pointés du doigt par des civils qui étaient avec les forces de sécurité. Célestin Blaise, Ndirokugai. Une seule partie de la première avenue était concernée par cette fouille et perquisition faite par la police à Moussaga ce mercredi. Comme les habitants de cette localité l'ont expliqué, certaines maisons étaient fouillées sérieusement au moment où d'autres, la police y faisait semblant de les fouiller ou passer tout simplement sans jeter un coup d'œil à l'intérieur. Selon ses sources, la police était avec des gens qui leur montraient des maisons à fouiller ou des personnes à arrêter. Ces habitants de Moussaga ont fait savoir aussi que ceux qui ont été arrêtés, nombreux, étaient des jeunes gens et qu'après leur arrestation, certains d'entre eux ont été relâchés. Chose étonnante, comme le soulignent nos sources, et qu'après quelques instants, ils ont été arrêtés de nouveau. Contacté à ce sujet, l'administration locale à Moussaga a indiqué que la plupart de ceux qui avaient été arrêtés ont été libérés, mais qu'il ne reste que 6 jeunes gens au cachot de la police située au chef-lieu de la zone urbaine de Moussaga pour des éventuelles enquêtes. Merci Blaise. Dans le reste de l'actualité, les transporteurs en commun empruntant l'axe Bubanza-Bujumbura n'ont pas travaillé ce mercredi. Ils expliquent que c'est une décision des propriétaires de véhicules qui s'insurgent contre le déplacement du parking de Mutakura en zone Chibitoke vers les alentours de l'ancienne usine Kotebu en zone Ngagara. Et consécutivement à cette mesure, les passagers voulant faire le trajet Bujumbura-Bubanza ou vice-versa doivent attendre des bus de l'Otraco déployés à cette fin. Un climat malsain règne entre les enseignants et les parents de l'école fondamentale de Chimbizi en commune et province Bubanza. Et cela depuis bientôt 3 semaines. Ce lundi et mardi, les enseignants n'ont pas travaillé, réclamant que les parents qui les ont malmenés devant les élèves soient punis conformément à la loi. À l'origine du conflit, un élève puni et l'entourage s'est soulevé contre l'enseignant auteur de la punition. Space Caritas Kabanyana pour les détails. La cohabitation n'est pas au bon fixe entre les enseignants, les parents et les élèves de l'école fondamentale de Chimbizi en commune Bubanza depuis le 27 avril de cette année. L'origine du conflit est un élève de la 6e année qui a été battu par un enseignant suite au dérangement exagéré en classe, comme ça se voit dans un document que les enseignants ont adressé à leur directeur. L'élève puni, à son tour, a donné un coup de poing à son éducateur, ce qui a fait qu'il soit encore puni. Arrivé chez lui, l'enfant a fait semblant de souffrir suite à la sanction encourue. Ses parents l'ont déposé sur un brancard traditionnel et, accompagné de toute la population environnante, le chef de colline devant, ils ont transporté la victime chez les enseignants à 21h, armés de couteaux, de machettes et de gourdins. Devant ces menaces, les enseignants ont pris le brancard et ont transporté l'enfant au centre de santé qui n'a malheureusement pas pu aider grand-chose aux présumés malades selon les témoins sur place à Chimbizi. Devant ces menaces, les enseignants ont pris le brancard et ont transporté l'enfant au centre de santé qui n'a malheureusement pas pu aider grand-chose aux présumés malades selon les témoins sur place à Chimbizi. Et sur le chemin vers le centre de santé, les parents et les enfants ont accompagné ces enseignants capturés avec beaucoup d'insultes et de mots de régionalisme, leur recommandant de quitter la localité et d'aller travailler dans leur province natale. Après avoir vu que ces enseignants n'ont pas été rétablis dans leur droit, ils ont arrêté le travail ce lundi et ce mardi. La grève étant illégale selon le directeur communal de l'enseignement, il leur a recommandé de regagner le service, ce qu'ils ont fait ce mercredi. Daïs Gavena, directeur communal de l'enseignement, indique qu'il prévoit, avec d'autres responsables de l'enseignement à Bumanza, une réunion de pacification à Chimbizi ce jeudi et que les parents promoteurs de ces soulèvements vont être poursuivis en justice. Espèce Caritas Kavanyana, Bumanza, Adieu Isanganiro. Merci Space. Éducation toujours avec le gouverneur de Lomongui qui a décidé ce mardi de suspendre toutes les mutations des enseignants dont le départ entraîne automatiquement l'arrêt des cours qu'il dispensait. Il a dit après les lamentations des directeurs de la direction provinciale de l'enseignement à Lomongui qui disent que ce critère n'est pas pris en considération et c'était lors de leur réunion avec les gouverneurs de Lomongui ce mardi. Jean-Pierre Misago. Au cours de cette réunion, tous les directeurs qui se sont exprimés ont convergé sur le fait que des mutations vers les centres urbains ou le long de la RN3 sont actuellement octroyées sans considérer que l'enseignant muté n'a pas de remplaçant. Dans certains cas, poursuivent ces directeurs, nous ne sommes même pas informés de la demande de cette mutation. Et même si nous sommes informés, nos avis et considérations ne sont pas pris en compte. Après ces lamentations des directeurs d'école, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Lomongui et président du conseil provincial de l'éducation, a décidé de suspendre dès ce mardi ce genre de mutation. Selon lui, c'est inconcevable de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Et à tout directeur qui se verra privé d'un professeur dans ces conditions, de se confier à lui pour une réponse immédiate et adéquate. Un enseignant qui avait été muté du lycée communal Tchawara vers la ville de Lomongui et dont les cours de chimie et biologie s'étaient immédiatement arrêtés, faute d'enseignants, est revenu depuis son lundi parachever ses cours au lycée communal Tchawara. C'est après la grève des élèves de 10e année qui auront à passer ces examens au prochain test national. Jean-Pierre Misago depuis Lomongui, Radio Isanganiro. En actualité africaine et internationale, vous nous suivez sur www.isanganiro.org. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kaplan-Duncan a confirmé à la presse que Simone Gbagbo ne sera pas envoyée à la Cour pénale internationale. Celle-ci réclame cependant l'épouse de l'ancien président ivoirien pour un procès lié à son rôle lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Daniel Kaplan-Duncan, qui se trouve à Paris pour présider la réunion du groupe consultatif pour le financement du programme de développement de la Côte d'Ivoire d'ici 2020, a déclaré que la Côte d'Ivoire est en mesure de juger ses ressortissants sur place. Et en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a à nouveau malmené au Parlement. Mardi, de nouveaux heurts ont éclaté dans l'hémicycle. Les députés du Parti radical de Julius Malema ont à nouveau interpellé le chef de l'État. Depuis les déboires du président avec la justice, les députés de ce parti refusent de le reconnaître et de le laisser s'exprimer. Les combattants pour la liberté économique, qui ont fait leur entrée au Parlement il y a tout juste 2 ans, sont devenus la 3e force politique du pays. Et ils espèrent confirmer leur ancrage politique lors des prochaines élections municipales début août. Il est 13h16 à Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi au micro. Jean Bosco Nduimana. Merci à tous invités pour la mise en onde. Gardez l'écoute de nos programmes.